au fond près du radiateur 106.2. Radioactif comme le nucléaire. On roule fonction. Chaque soir, chaque semaine, à chaque son. À chaque son. Tu veux mon nom ? Au fond près du radiateur. Family Beats, yo. J'ai des sujets, mais c'est pas ceux qu'ils aiment aborder. J'ai des projets, mais ils font tout pour les aborder. J'ai des messages, mais pas ceux qu'ils aiment véhiculer. Ok, mon man, tous les mardis. On a des blagues, mais c'est pas celles qui les font marrer. Everything I do gonna be funky. Au fond, c'est sur radiateur.fr. C'est pour les gens qui luttent de faire l'info. Les grains de gueule au fond près du radiateur. Quelle question tu veux que je te pose? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Step on and control. De retour au fond près du radiateur. Tous les mardis, 19h à 20h30. Sur FPP 106.3 FM. Le vendredi matin, la rediff de 7h à 8h30. Et toujours faire attention aux flics, aux faf. Voilà, on va faire une petite pause musicale et puis on reviendra une fois de plus en essayant de faire notre propre info. 106.3 FM, poto. James, ANFALSH, au fond près du radiateur. FPP 106.3. Bonsoir à tous et toutes, c'est l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30, sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, radio libre sans publicité. Voilà, on est rediffusé aussi le vendredi matin de 7h à 8h30 du matin, sur la même antenne 106.3 FM. Donc Au fond près du radiateur, c'est une émission qui parle des luttes sociales, qui donne la parole directement à ceux qui luttent. Donc voilà, aujourd'hui, ce soir, on va être dans l'actualité, on va parler du mouvement notamment contre la loi travail, notamment on aura un reportage qui a été fait par une copine de Radio Galère, donc c'est une radio libre aussi qui assure Marseille, donc par rapport au blocage du dépôt pétrolier par les manifestants. Donc, y a eu un blocage du dépôt pétrolier pendant plusieurs jours là-bas. Donc, ce sera la parole directement à ceux qui l'ont fait pour savoir pourquoi ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ça se passe là-bas, comment ils s'organisent, comment faire la même chose ici. Et donc, voilà, ça sera la première partie de cette émission. En deuxième partie d'émission, on aura voulu donner la parole aussi aux lycéens. Donc, y aura un reportage avec les lycéens du lycée d'Orient. Donc c'est un lycée polyvalent qui a vers Nation à Paris et qui subit, comme dans le 92, il peut y avoir plein de lycéens qui sont harcelés par la police, convoqués à la sûreté territoriale. Bah, là-bas, il y a plein de, pas des mises à pied, mais des exclusions d'élèves. Donc ça sera un reportage de 20 minutes avec les lycéens de là-bas qui disent ce qu'ils ont sur le cœur. Et puis en dernière partie d'émission, on accueille Mathias et Brahim. Donc, merci d'être avec nous ce soir et tout. Et salut Mustapha aussi. Salut Raph. Et donc, voilà, ça sera avec vous. On parlera notamment des grèves et des mobilisations à Air France, et notamment en soutien à vos camarades qui sont convoqués au tribunal de Bobigny. Ça sera vendredi prochain, c'est ça ? Ouais,

Ok, FPP 106.3 FM, c'est l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis, 19h-20h30. Merci d'être avec nous. Tout de suite, on va se passer un petit reportage qui a été fait par les camarades de Radio Galère, qui est une radio libre sur le même modèle que Fréquence Paris Pluriel, mais plus avec l'Action du Sud, donc ça se passe vers Marseille, dans le 13. Et du coup, c'était par rapport au blocage de la raffinerie et du dépôt pétrolier dans les environs de Fos-sur-Mer. Donc c'est un blocage contre la loi travail qui est organisé au niveau interprofessionnel. Donc il y a des salariés du privé, du public, des chômeurs, des précaires, des lycéens, des étudiants qui sont tous mis ensemble pour bloquer, des gens de Nuit Debout qui sont tous mis ensemble pour bloquer ce dépôt et bloquer l'économie parce que les patrons comprennent que ça. Ça fait 3 mois qu'on essaye de discuter avec eux pour leur dire retirer cette loi. Déjà, les conditions de taf sont hardcore, mais ils ne veulent pas comprendre. Et donc voilà, il n'y a plus que ça. Maintenant, on bloque tout. Et voilà, c'est la parole aux gens qui étaient sur place là-bas. Pour info, le blocage, vous avez dû peut-être voir les images à la télé aujourd'hui, a été attaqué sur ordre du Premier ministre et tout ça, qui a envoyé les CRS contre plusieurs blocages, donc à Fos-sur-Mer aussi. Et donc il a été délogé ce matin, mais les gens ne lâchent pas l'affaire et ça chauffe à Marseille en ce moment aussi. Donc voilà, on vous propose d'écouter ça. Un reportage en direct de Marseille avec Radio Galère. Voilà, bonne écoute, à tout de suite, ça fait 10 minutes. Et on se retrouve juste après pour parler, pour passer un reportage avec les lycéens. Sur Paris et puis pour parler aussi de ce qui se passe à Air France, notamment des suites de l'affaire de la chemise déchirée avec deux camarades. Donc voilà, au fond près du radiateur 106.3 FM, bonne écoute. Mohamed Ali, salarié du social, militant CGT, militant communiste. On en est à un point où le gouvernement, censé être un gouvernement de gauche, mais il ne sait plus dialoguer, il fait tout passer en force. On a manifesté, ils sont des milliers dans la rue. Malgré ça, il n'entend rien. À un moment donné, à la force, on répond par la force. Ça passe par les blocages d'usines, ça passe par les grèves de partout où on peut, la possibilité de faire grève. Bloquer le système économique de l'État et de grands patronats. Réussir à les mettre à nouveau autour d'une table et abroger, mais c'est même pas négocier, c'est abroger ce projet de loi, parce que c'est un projet de loi qui est assassin pour les travailleurs, c'est assassin pour les Françaises et Français. On nous matraque depuis hier, comme quand on prenait en otage les gens en bloquant les raffineries, qu'il n'y a plus d'essence pour les gens qui veulent aller travailler. Voilà, les gens ils veulent travailler justement, ils n'en ont pas du travail. Ils n'en ont pas de travail. On ne prend personne en otage. C'est quelqu'un qui prend les gens en otage, c'est le gouvernement. Par son mutisme, par sa détermination à imposer des lois libérales, à une détermination en face, on ne lâchera à rien, mais absolument à rien, jusqu'à l'abrogation de cette loi, que je répète, elle est assassine pour la France, et pour les Françaises, et pour les travailleurs. Et là, on est à 2 pas de Port-de-Bouc, donc à la raffinerie de Fos-sur-Mer, où le blocage a débuté cette nuit à 2h du matin. Comme c'est parti, il va durer, et j'espère qu'il va durer le plus longtemps possible. De partout en France, les forces de l'ordre délogent les travailleurs qui sont en lutte, débloquent les barrages, mais c'est pas grave, on revient. On ne lâchera pas. Et du coup, là, c'est blocage de route, blocage du rond-point, c'est l'accès aux raffineries, c'est du coup. L'accès à la raffinerie, l'entrée principale, elle est bloquée. Là, l'accès aux routes, il est bloqué. On appelle tout le monde à s'associer à ce mouvement et amplifier le mouvement. Ouais, il y a besoin de monde pour bloquer, il y a besoin de monde pour lutter. On n'est pas là pour emmerder les gens, mais on est là pour emmerder le gouvernement. Ça nous embête à tous de ne pas avoir de l'essence dans les pompes. Hein. Nous sommes des citoyens comme ceux qui ne luttent pas, hein, comme ceux qui voudraient aller travailler. Nous sommes des citoyens comme eux. Nous sommes tous concernés par cette loi. Donc nous, voilà, nous on ne fait que répondre. L'agresseur, c'est l'État, je le répète. c'est l'État qui prend les gens en otage. Et ce ne sont pas les syndicats et encore moins la CGT. Pour ce qui est de la solidarité entre les secteurs, là, qui est-ce qui bloque en ce moment le rond-point? Il n'y a pas que les gens des raffineries? Non, il n'y a pas que les gens des raffineries. Il y a des militants CGT de tout part. Hein. C'est des militants CGT, des militants communistes, des gens communistes. Hein. Voilà, c'est tous les gens qui se sentent concernés par cette lutte qui se mobilisent. Il y a des salariés de Carrefour, il y a des salariés de la raffinerie, il y a des salariés du port autonome, il y a des salariés il y a des travailleurs sociaux, il y a un peu de tout, au conseil général. Mais du coup, quand tu disais tout à l'heure qu'on appelait des gens sur les piquets et à venir filer des coups de main pour bloquer, c'est ouvert, j'imagine, à toute personne qui sont touchée, pas forcément les syndicats de la CGT. Toute personne qui se sent concernée dans cette lutte, qu'elle soit syndiquée ou pas, qu'elle soit politisée ou pas, toute personne qui se sent concernée par cette lutte, je l'invite à rejoindre. Sans être syndiqué, on n'invite pas les gens à être syndiqués forcément, mais à s'impliquer dans la lutte. Après, à eux de voir s'ils se syndiquent ou pas. Mais en tout cas, s'investir dans la lutte, il n'y a pas besoin d'avoir une carte ni à CGT ni ailleurs pour s'investir. Tout le monde est concerné, chaque travailleur est concerné, chaque habitant est concerné, chaque jeune est concerné, chaque lycéen et étudiant est concerné. Tout le monde est concerné. Ça va rendre reconductible ? Je l'espère de tout cœur. Je l'espère de tout cœur. Parti comme c'est parti, je pense que ça va être reconductible. Mais je le souhaite. Je souhaite vraiment une grève générale dans ce pays, paralyser ce pays et enfin instaurer un dialogue, un vrai dialogue. Et non pas un monologue du gouvernement, comme quand il a reçu les étudiants. Ils n'ont même pas eu l'occasion de placer deux mots. On leur a dit, on leur a lancé de la poudre aux yeux, voilà, pour les endormir, étouffer le mouvement. Mais sauf qu'ils ne sont pas dupes, les jeunes. Hein. Ils sont jeunes, certes, mais ils ne sont pas dupes. Ils ont un cerveau, ils savent bien s'en servir. C'est exactement la même manœuvre qu'avec les routiers, avec qui on a dit, mais non, mais ne vous inquiétez pas, vos heures supplémentaires, on n'y touchera pas. Foutaise. Mais ça, c'est des promesses qui sont fausses, comme celle de Hollande lors de la campagne électorale. Son ennemi, c'est la finance, mais en quelques mois, c'est devenu son grand ami, la finance. Donc tout ça, c'est des manœuvres politiques, c'est des tactiques politiques, mais ça ne prendra pas. Et d'ailleurs, les routiers n'ont pas du tout entendu le message de Sapin. Ils n'ont rien à faire de son message. Eux, ce qu'ils veulent, comme tous les salariés, c'est le retrait pur et simple de la loi El Khomri, la loi travail. La richesse, on ne sait plus quoi en faire de l'argent. Encore 40 milliards au patronat pour emboucher. À chaque président de la République qui vient, il fait un cadeau entre 40 et 80 milliards au patronat pour soi-disant emboucher. Mais ça fait que renflouer les caisses des bourses, ça fait qu'augmenter les portefeuilles des actionnaires. Et en attendant, ni les salaires sont augmentés et ni des emplois sont créés. Et à un moment donné, il va falloir arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, pour rester polis. Il va falloir demander au patronat, dans un délai très court, ou ils embauchent comme il était convenu, ou ils remboursent dans les caisses de l'État les 40 milliards et les milliards précédents qui ont précédé sous la présidence de Sarkozy, de Chirac et compagnie. Ils n'ont qu'à rembourser l'argent. Et à l'État de prendre ses responsabilités et de créer de l'emploi. Créer de l'emploi, c'est une chose, mais sur les conditions de précarité. Je suis passé par la précarité, contrat aidé, je suis arrivé à avoir un diplôme. Aujourd'hui, je suis salarié, mais je reste précaire parce que je ne suis pas payé à la hauteur de mon diplôme. Surtout que quand on sait que le loyer maintenant prend un peu plus que le quart du salaire, donc on ne vit plus, on survit. Je suis dans une association justement qui brasse des précaires. Plutôt que de conserver les emplois et les pérenniser, non, on est devenu une usine à précarité, des contrats aidés, on est content, on a dépassé les 100 contrats précaires et on est content, on est 100 salariés. D'autant plus que ces gens-là, ils n'ont aucun statut dans l'entreprise, aucun. Il faut leur donner un statut et un salaire digne de ce nom. Il faut les considérer comme des salariés, parce qu'ils font exactement le même travail que les salariés. Donc il n'y a pas de raison de leur donner un statut à part. Ce sont des salariés. Ils doivent avoir le même salaire que tout le monde et essayer de vivre et ne plus survivre. Il y a des gens qui sont là, qui sont nés, que leur objectif est de brasser de l'argent. Moi, mon objectif est d'avoir un monde meilleur pour tout le monde. Ne plus montrer du doigt quand il y a des crises économiques. L'étranger, parce que l'étranger dans ce pays est une richesse, c'est une richesse culturelle. Donc il faut arrêter de se tromper d'adversaire, il faut arrêter d'essayer de trouver des beaux émissaires. Le seul et unique responsable reste le gouvernement de ce pays qui est en train, en plus de ça, en plus de cette loi assassine, il est en train de jouer une manœuvre avec le Front National, il est en train de monter le fascisme dans ce pays comme en Autriche et comme tout partout en Europe. Je ne sais pas c'est quoi leur finalité, mais si c'est pour avoir une chance de gagner face aux fascistes, ben à force de jouer avec le feu, on va finir par l'avoir, le fascisme en France. Donc si le gouvernement veut être réélu, si le président de la République veut être réélu, ben il n'a qu'une seule chose à faire. Déjà commencer par abroger la loi El Khomri, reprendre la main sur le travail public, arrêter de sous-traiter le travail public, parce qu'on bassine qu'il y a trop de dépenses publiques. Certes, il n'y a que des dépenses et il n'y a plus rien qui rentre, puisque la moitié des services publics ils ont été privatisés. Donc c'est sûr que ça crée un malaise, ça crée un déséquilibre. Il y a de l'argent qui sort, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et on en fait cadeau au patronat. Il est là le malaise. EDF, on ne peut pas dire EDF, que c'est une entreprise qui a un déficit. Elle brasse des milliards, elle brasse des milliards. Mais on préfère faire cadeau à quelques patrons en privatisant une partie, en grignotant de plus en plus, qu'un jour on va arriver où EDF sera complètement privé, où les gens qui auront de l'argent pourront avoir de l'électricité, et ceux qui n'ont pas d'argent, ben leur compteur il sera bloqué. Ils rentrent dans la lutte, EDF, ou pas alors ? EDF rentre dans la lutte, ils sont déjà rentrés dans la lutte, c'est pas encore... Ils se préparent des choses, je pense, parce que là, les gens, ils en ont vraiment assez. Ils en ont vraiment assez. Ils s'inquiètent pour leur propre emploi, ils s'inquiètent pour les générations à venir. Qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Qu'est-ce qu'on va leur laisser, les générations à venir ? Il y a plus rien. Et pourquoi ? Pour faire plaisir à toutes ces dames et tous ces messieurs qui sont à la bourse et qui ont acheté des actions. Et que tout ce qu'ils veulent, c'est gagner davantage d'argent. Donc tout ce qui est fait, toutes les mesures qui sont prises, c'est pour ces gens-là. Et c'est juste scandaleux, quoi. Alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim, et des gens qui dorment dans la rue, dans un pays comme la France, 4e puissance mondiale, et on a encore des gens qui dorment dans la rue, encore des gens qui tendent leurs mains pour avoir un euro, pour pouvoir aller s'acheter une baguette de pain. Et ça part de là, ça part de la loi travail, et le reste suivra. Le reste suivra. Mais le tout, c'est une prise de conscience qu'il faut des gens qui rejoignent le mouvement, que les gens ne tombent pas dans le panneau, qui ne tombent pas dans le piège médiatique depuis hier, qui nous montrent des gens que ah, mais les pauvres, ils n'ont pas pu aller travailler parce qu'ils n'ont pas pu mettre l'essence. Eh bien, ils ont qu'à faire grève et aller dans la rue comme tout le monde pour gagner davantage de droits. Voilà ce qu'ils devraient faire, ces messieurs, dames, là, qui n'arrivent pas à trouver de l'essence. Ok, donc vous êtes bien sûr Fréquence Paris Pluriel. C'est un reportage réalisé par Radio Galère, donc sur le blocage du dépôt pétrolier près de Fos, qui a été évacué ce matin, attaqué par les CRS, plusieurs blessés du côté des manifestants. Donc tout de suite, avant d'attaquer le prochain sujet sur l'actualité du mouvement contre la loi travail et de se déplacer plutôt du côté des lycéens, on va faire juste une petite pause musicale. Et puis on va vous passer un nouveau reportage donc, qui a été fait ce matin au lycée d'Orient à Paris. Donc juste avant ça, un tout petit peu de musique, FPP 106.3 FM. 29 heures durant, quasiment ininterrompues, nous avons livré bataille, pied à pied, dans des conditions difficiles, face à un adversaire tenace, intransigeant, mais tout de même suffisamment ébranlé par la grève générale. And the fight of lost Jew. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. We'll be right back. résistant a été dans un cri unanime, libérons nos camarades, nos camarades. Donc c'était un son de Chinese Man, ça s'appelle Indie Groove, c'est FPP 106.3 FM. Donc tout de suite, comme on vous l'a annoncé, on va passer au reportage qu'on a fait ce matin devant le lycée d'Orient avec les lycéens qui étaient mobilisés, qui se sont rassemblés devant l'établissement, avec quelques professeurs aussi, mais c'était principalement des lycéens. Donc voilà, en fait, on voit que donc, les lycéens étaient vraiment à l'avant-garde du mouvement contre la loi travail. Et notamment dans le 92, ils se sont pris une répression qui a tendance même à s'accentuer aujourd'hui. Donc notamment dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, notamment à Levallois-Perret, il y a plusieurs lycéens qui ont été convoqués à la sûreté territoriale et placés en garde à vue. Donc aujourd'hui, il y avait deux rassemblements, dont un devant le TGI de Nanterre en soutien aux lycéens du 92. Et il y avait aussi un rassemblement où on a pu aller qui se trouvait devant le lycée d'Orient, donc comme on vous disait, à Nation, à Paris. Et donc voilà, on a pu discuter avec des élèves là-bas. Donc le rassemblement, c'était vraiment pour éviter que les élèves soient sanctionnés pour avoir fait grève ou pour s'être mobilisés ou pour avoir une activité politique. En fait, ce qui se passe, c'est que les administrations prennent des mesures disciplinaires qui sont plus ou moins illégales pour sanctionner les élèves et les exclure de cours. Donc voilà, donc le rassemblement d'aujourd'hui a réussi à obtenir l'annulation de ces sanctions. Et donc voilà, on va vous passer le reportage, ça fait 20 minutes. Et comme ça, vous allez pouvoir entendre de la bouche même des participants de ce matin ce qui s'est passé. Donc bonne écoute, c'est l'émission au fond près du radiateur, 106.3 FM. Au lycée d'Orient, donc c'est un lycée professionnel à côté de Nation, à Paris. Polyvalent. Ouais, c'est un lycée polyvalent, tout ça. Ça accueille environ 1500 élèves. Ouais. Et donc, du coup, là, on s'est mobilisé aujourd'hui pour ce qui s'est passé. En fait, il y a eu un blocus de prévu et on était une dizaine à se lever pour bloquer. Et après, l'administration nous a... C'était pourquoi le blocus ? Le blocus, c'était contre la loi travail, en fait. Ouais. C'était contre son monde, en fait. C'est un petit peu contre tout ce système, en fait. Les violences policières, tout ça. Et on voulait se mobiliser pour se faire entendre. Et voilà, c'est pour ça. Et on s'est levé pour bloquer le lycée. Et l'administration n'a pas voulu qu'on bloque parce que le lycée était en centre d'examen. Donc du coup, finalement, on n'a pas bloqué, mais on a reçu... Donc du coup, on a reçu des sanctions. Je crois que 4 élèves ont reçu des sanctions. Donc des exclusions qui allaient de 2 jours à 8 jours. Et nous, on ne trouve pas ça normal parce qu'on a des arguments pour bloquer, on veut se faire entendre. Jusqu'à maintenant, on a toujours laissé une deuxième entrée avec les gens qui voulaient, ils pouvaient rentrer dans le lycée. Et voilà, pour nous, c'était pas normal ce qui s'est passé, enfin les sanctions. Pour qu'une levée de sanctions soit valable, il faut qu'elle soit écrite. Et comme elles n'ont pas été écrites, eh bien, on a demandé au proviseur qu'il les mette par écrit parce qu'on lui a expliqué qu'il n'était pas censé ignorer que le droit administratif se fait par écrit. On lui a foutu un peu la pression et il nous a dit que finalement, il le ferait demain. Le proviseur s'est engagé à ce que les notifications écrites de levée de sanctions soient données aux élèves ou à leurs parents dès demain. La deuxième chose sur laquelle on a intervenu, c'est en fonction des informations qu'on a eues, des élèves qui auraient été reçus, que le proviseur aurait reçu, ou ses adjoints, je ne sais pas, et à qui on aurait exercé des pressions, et en particulier des menaces, de les envoyer chez les flics pour diverses choses qu'ils ont faites, notamment sur Facebook. Le proviseur nous a dit qu'il n'y a pas eu de telles menaces. Maintenant, on n'est pas tout à fait sûr que ce qu'il dit est vrai, mais en tout cas, on lui a fait comprendre que ce n'était pas du tout éducatif de mettre des jeunes qui avaient simplement écrit des trucs sous le coup de la colère, complètement légitimes. C'était pas admissible qu'ils soient menacés de flics. D'après ce qu'a dit le proviseur, il n'y aura pas de passage à l'acte et il n'y aura pas de menace ou de plainte portée chez les flics. Voilà. Ensuite, il y a peut-être un des points qui est intéressant, c'est que plusieurs fois, le proviseur nous a dit « Mais attendez, c'est moi le chef, je suis pas sur la sellette. » Et en fait, on lui a dit « Bah si, vous êtes sur la sellette, parce que là, il y a un rassemblement et c'est nous qui vous mettons la pression. » Voilà, on espère qu'à cette petite délégation, on aura pu contribuer à ce qu'il évite de passer à l'acte. Bravo à vous. Toi, en fait, ils t'ont fait des histoires par rapport au mouvement. J'ai une lettre d'exclusion à recommander. Genre combien de temps ? Moi, j'ai été exclu 2 jours. Ouais. Certains ont été exclus jusqu'à même 8 jours. Et voilà, en fait, pour moi, ça allait trop loin pour un blocage, en fait, pour un blocus, en fait, qui il nous a même pas averti avant qu'il y aurait des sanctions si on bloquait. Ouais. Donc pour moi, c'était pas juste. Et il y a eu, en fait, le lycée d'Orient aussi il bouge beaucoup quand il y a dans les mouvements et tout ça. Vous étiez un des établissements qui bougeait le plus. C'est quoi l'histoire de vous, de ce lycée et tout ça un peu quoi? En fait nous c'est vrai qu'on est l'un des lycées sur Paris qui, même en Ile-de-France, qui bouge le plus, qui est toujours présent en manif. Même s'il faut sécher les cours pour aller en manif, on le fait. Et faut savoir que voilà, c'est ce qui en fait on est solidaires entre nous, on est toujours présent. Et voilà, ça c'est important. Donc quand il y a des mouvements sociaux, on est toujours là. Et voilà, c'est une force. Et voilà. La loi travail, pourquoi ça vous concerne ou quoi ? Vas-y. Ça nous concerne parce que c'est notre avenir. Ouais. Et laisser le droit au patron, à tout le patronat et l'État. Et nous, voilà, on se sent un peu comme des esclaves aujourd'hui. L'État ne nous respecte plus. Le peuple dit non à cette loi, mais le gouvernement veut la faire accepter avec le 49-3. C'est pas démocratique, quoi. Mmh. Et voilà, quoi, ça énerve tout le monde. Ouais. Et vous, les filières dans lesquelles vous êtes là, vous avez envie de faire quoi plus tard au niveau du taf et tout? C'est sûr, ça va vous toucher et tout. Mais par exemple, ici, les gens qui étudient ici, qu'est-ce qu'ils vont faire un peu comme, ils vont se retrouver dans quoi comme ambiance plus tard, quoi? Bah, dans ce lycée, c'est plutôt dans les filières scientifiques. Ouais. Et aussi, il y a des bacs pro comme Véry ou... Véry. Voilà, Véry, voilà. Voilà. Okay. Et du coup, ouais, comme c'est un lycée, il y a beaucoup de bacs pro, de filières de bacs pro. Donc, c'est ce qui concerne, en fait, ce qui les concerne beaucoup aussi. Parce que comme ils travaillent déjà, que ce soit en alternance ou des trucs comme ça, bah, ça nous concerne déjà, en fait. Ouais. Et voilà. Et le gouvernement, il comprend pas ça parce que... Plus de 70% des Français sont opposés à cette loi, mais malgré tous les mouvements, les grèves, les mobilisations, Même maintenant, les blocages des raffineries d'essence, enfin tous les trucs comme ça, en fait, le gouvernement, il en a rien à foutre, tu vois. Et là, même ils ont eu le proviseur, il a utilisé la police, il a appelé la police, il a eu des liens avec eux, comment il s'est comporté. On a fait une tentative de blocus total. Ouais, plusieurs fois. Ils ont appelé les flics. À chaque blocus, il y a des baqueux positionnés un peu aux différents cafés. C'est la BAC surtout qui est sur... La BAC et les RG. Et les manifs que vous avez fait, ça s'est passé comment? C'est passé déjà beaucoup plus calmement qu'on le montre à la télé. Déjà. Ah, vraiment, franchement. C'est beaucoup plus calme à la télé. Parce qu'à la télé, tu passes en boucle, en augmentant bien le son, quand ça pète. T'as l'impression que t'es à Bagdad, tu restes à Paris pendant que ça pète. C'est que les médias, ils ont mis l'accent sur un certain côté. Quand tu regardes les trucs, t'as l'impression que t'es à Bagdad, t'es pas à Paris. Quand t'es manif, tu sais que tu te rends bien compte que t'es à Paris, que c'est juste tu secoues un peu les flics. Les flics qui disent ouais on est blessé, ils ont rien. La BAC peut être blessée, les CRS n'ont aucune chance. Enfin, ou alors il est court, il a enlevé ses casques, on leur jette des trucs, mais ils sont un minimum intelligents, ils gardent leur protection tant qu'on jette. Il n'y a que la BAC qui peut être blessée, après les RG parce qu'ils sont cons. Ils sont pas discrets, ils te chargent alors que c'est bien plus protégé qu'eux, ils sont cons. C'est pas une nouveauté que les flics sont cons. Et là, sur la suite du mouvement et tout, vous voyez ça comment un peu? Bah là, justement, on baisse pas les bras, on va continuer à se mobiliser, c'est pas fini. Faut savoir que tant qu'il n'y a pas de retrait de cette loi, tant qu'il n'y a pas de retrait, bah on continuera à se mobiliser. Et voilà, surtout le lycée d'Orient qui est toujours présent à tous les mouvements. Voilà, faut savoir qu'on n'est pas découragé, on va continuer à bloquer, à se mobiliser, tout, par tous les moyens. Voilà. Quoi qu'il se passe, Il a plus le choix le gouvernement. S'il est un minimum intelligent, il a plus le choix. Ça pète à Paris, à Nantes, à Rennes principalement. Il n'y a aucune raffinerie qui assure correctement la livraison de pétrole. Il va faire comment? Quand les automobilistes ils vont gueuler parce qu'ils n'ont plus de pétrole, ils vont se mettre à manifester. Au final, on passe de quelques lycéens qui pètent à toute la France. On va dire, bah ok, vas-y, on l'achète là, on reprend le cours du pétrole, on arrête les casses à Paris, et franchement, après, il y a d'autres trucs, c'est sur les flics, mais bon. Ils font les malins quand il y a des jeunes en face et ils s'étonnent qu'on réplique, ils sont fous. Moi, je me souviens, c'était les bonnets rouges, j'ai cassé des trucs, ça valait 1 million. Ils bougeaient rien, ils les laissaient filmer. Il filmait, il bougeait rien. Aucune interpellation qui suivait. Là, c'est un jeune arabe qui va casser direct. Direct, il va se prendre la bague chez lui, il va même pas comprendre ce qui se passe. Alors qu'il a juste jeté une pierre et là. Et sinon, les lycéens, c'est vrai, vous êtes partis dans les premiers, tu vois. Et est-ce que en retour, vous avez eu du soutien d'autres secteurs? Est-ce que là, je vois, il y a un peu les profs, ils sont avec vous. Et je vois dans d'autres départements aussi. Dans le 92, il se passe des trucs au niveau des lycées. Est-ce qu'il y a des liens qui se font un peu comme ça et tout? Comment ça se passe? Ça soude les lycéens entre eux, mais les adultes, ils restent dans leur coin. L'administration, elle reste. Elle contente juste de mettre justification sur les absences qu'ils nous balancent, les 20 000 absences qu'ils nous balancent à la seconde. Ils font ça. Et après, non, c'est entre nous qu'on se connaît mieux. Ça forge des gens, ça. Après, il y a des mouvements, on crée à partir des mouvements. Si après, c'est un mouvement qui entraîne un autre mouvement, Personne n'est débile, hein. Il n'y a pas que la loi El Khomri qui dérange, surtout chez les jeunes, il n'y a pas que la loi El Khomri. Hein. Il y a la loi El Khomri parce qu'ils annoncent qu'ils vont nous baiser, mais la police, elle nous baise à continu. Hein. Ouais, je voulais rajouter aussi que tout ce qu'on voit sur les médias, faut faire vraiment attention parce que les gens se font manipuler. Ouais. Après surtout aussi ce qu'ils disent, faut surtout faire attention si les invités ils disent des conneries. C'est des mecs en costard qui sont jamais allés dans la rue de leur vie. Le peu de temps qu'ils vont dans la rue c'est de leur hall d'entrée à leur voiture privée avec leur chauffeur. C'est tout ce qu'ils font dans la rue. Ils sont jamais pantés dans la rue pour de vrai. Donc ils disent ouais les jeunes, cassés, t'es t'y allé, non. Au fond, près du radiateur. Et moi, quand on se laisse pas faire, ça les dérange. Mais bon, les casses, on parle que des casseurs, on parle des casseurs et des policiers blessés, on parle pas de l'inverse. Voilà. Mais il faut aussi savoir pourquoi on fait ça et tout. Parce qu'il y a des fois, ils disent des trucs dans les médias, tout ça, alors qu'ils savent même pas ce qu'on fait. On parle pas de l'origine, la loi travail, les trucs comme ça. C'est pas ça. Ouais, tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire attention à ce que racontent les médias. Ce que racontent les médias, parce que c'est pas forcément véridique et les gens se font vraiment manipuler par en regardant la télé, les informations, on se fait manipuler sans même s'en rendre compte. Ouais, du coup, en fait, on parle beaucoup des policiers blessés, tout ça, mais finalement, il y a vraiment eu beaucoup de manifestants blessés, des gens qui ont perdu un œil, des trucs comme ça, mais ça, finalement, on n'en parle pas beaucoup. Et franchement, les médias, ils sont vraiment favorables à la police, alors que nous, on se mobilise contre des... Enfin, on a des arguments, on a des intérêts pour se mobiliser. Et voilà, les... Hey, il y a des glaces à la cantine. Ah, j'arrive. Ouais, donc voilà, c'est... mon frère. Donc du coup, voilà, faut vraiment faire attention à ce que racontent les médias, parce que c'est incroyable. Nous, quand on voit ce qui se passe en manif, et que ce que disent les médias, franchement, ça n'a rien à voir du tout. Franchement, c'est des gens qui savent même pas ce qui se passe dans la rue, ils viennent, ils font des débats. Mais voilà, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'ils ont pas de... Ils sont pas dans la rue, ils voient pas ce qui se passe, mais ils viennent parler quand même. Ah non, tu peux pas faire ça. Surtout c'est politique. Voilà, c'est politique. Les méchants casseurs contre les bons policiers. Ouais, alors qu'en vrai, c'est pas ça. Les connards, ils sont des deux côtés. Non, franchement, les connards, ils sont des deux côtés. Mais surtout, faut surtout pas écouter. On peut écouter les journalistes. Ils essayent. Mais bon, c'est le message qu'ils veulent véhiculer en général. Mais surtout, c'est les politiques. Les politiques, quand ils disent oui, quand ils relatent les faits, je dis mais ferme ta gueule, t'es jamais dans la rue. Tu t'entends les arguments et les faits juste d'un côté, c'est les flics. Ils vont jamais te dire ouais, j'ai shooté un gosse de 15 piges dans l'œil avec un flashball. Ils vont seulement dire non, j'ai répliqué, j'ai tiré au hasard. Non, ils vont me dire ça, mais c'est faux. Après, limite, ils ont dit il a perdu son œil tout seul. Ouais, voilà. Ah oui, c'est après, il y a eu un truc. Quand on dit. Après, il faut savoir les policiers blessés, combien sont graves et combien sont réellement blessés par la manif. Parce que moi, j'ai appris que par exemple, un gars qui venait légèrement blessé, genre par exemple, il a une ouverture là qui cicatrise et elle se trouve pendant la manif, est considéré comme blessé par les manifestants. Donc c'est n'importe quoi. Et après, on me dit, je me souviens, il y avait un chiffre, c'était 1300 interpellés et 300 policiers blessés. 340. Voilà. Et faut savoir que chaque interpellé, on lui met pas juste les menottes. On lui fout quelques coups de matraque pour lui bien faire comprendre que c'est un animal en gros. C'est quand je sais que mon pote, il l'a emmené derrière dans un hôpital pour être hors des caméras, il shootait à 5 policiers. C'est pas normal. À côté d'une manif, ils l'ont emmené dans une petite cour à côté de la cour d'un hôpital. Je te dis clairement, c'était au Val de Graffe, c'était à la bac du 10e arrondissement. Il habite juste au-dessus en plus mon pote. Ils arrivent, ils le prennent, ils le tabassent. Je veux dire, ouais, c'est bon, il a compris qu'il fallait pas faire ça. Tu le menottes, tu l'envoies au poste, il est terminé. Il le tabasse, il l'emmène au dépôt, il le tabasse dans sa cellule, ils sont à 4, il se dit putain, il y a un problème. Non, il le tabasse dans sa cellule. Non, mais il croit qu'on est des terroristes, c'est Guantanamo, quelle connerie. Le truc, c'est que s'il n'y a pas de vidéo, il n'y a aucune preuve, c'est ça. Par exemple, le truc qui s'est passé à Bergson, ça se passe pas. Enfin, genre, c'est pas la première fois que ça se passe. Et là, c'est juste comme il y a eu une vidéo que ça a fait polémique, ça a tourné, du coup. C'est la vidéo où on voit un policier qui met un point. Qui relève un lycéen qui est au sol et il lui donne un point, il le remet au sol. C'est très bien que ça arrive. C'est Barca. Et puis voilà. Des actions comme ça, il y en a souvent. Ouais. C'est comme à la nuit debout. Il y a quelqu'un qui a tagué en haut de la statue, il a marqué Vauguerre no more. Et les backeux, ils l'ont attrapé dans un coin, ils ont viré tout le monde qui filmait. Ils l'ont attrapé dans le coin, à 6, ils lui ont sauté dessus. Ouais, c'est ça. Le mec, il nous balance des grenades de ses encerclements. C'est comme si on balance un bout de bois, un os à son club, ils sont fous. Franchement, c'est eux qui provoquent cette merde. Hein. On dit, ouais, les casseurs, c'est un groupe marginal. C'est faux, c'est faux. Et maintenant, les manifs, c'est fait pour casser. C'est pas à mentir. Les premières manifs, oui, les casseurs, ils étaient sur 100 personnes. Il y en avait 10, 20. Maintenant, comme c'est con, ils tapent sur les journalistes, ils tapent sur les, sur les manifestants en nombre, sur les casseurs, sur même entre eux, c'est con, ils se tapent dessus. Non, mais la vie, j'ai vu un bac qui se fait taper par un CRS, je me suis foutu de sa gueule. Mais tu vois, moi, l'impression un peu que j'ai aussi, c'est que le gouvernement, il met tous les keufs comme ça devant pour que les gens, ils se focalisent sur eux. Mais en vrai, ce qui va les faire tomber, enfin, tu vois, nous, on a le seum parce qu'on les voit, on voit ce qu'ils font et tout. Du coup, on garde ça dans la tête. Mais en vrai, il faut qu'on se concentre sur aller bloquer des trucs, et le blocage économique, ce qui va la faire tomber la loi. Ça fait des tensions. C'est ça, ça attise les tensions. Qu'on arrête de parler d'autre chose. Ça va les énerver. Ensuite, ils vont leur dire, ouais, arrêtez-les au moment où ça commence bien à se calmer. Ouais. Dès qu'on va essayer de forcer un peu, ils vont nous foutre des coups de bouclier. C'est là que ça part en réalité. C'est de là que ça part. Après, bon, je veux bien, ils suivent les ordres. Ils suivent les ordres, ils suivent les ordres. Tu peux dire, ouais, calmer, tu peux calmer juste en foutant ton bouclier, les repoussant. Prendre un gosse de 10, 15, entre 10 et 15, en 10, 20 piges, le prendre dans un coin et le tabasser, ça sert à rien. Après, ça provoque ces violences. Après, surtout les pseudo-actes héroïques des flics. Bon. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur. Je suis sur les parents directement en disant en gros, ils vont prévenir la vie scolaire. Ouais, votre fils a été interpellé. Ça, c'est de la répression en fait. C'est-à-dire, ils jouent sur la pression que les parents peuvent mettre à leur fils justement pour limiter les activistes en gros. Genre, c'est ça. Ils convoquent des parents, même s'il n'y a pas de motif. Simplement pour qu'après à la maison, les parents interdisent à leur fils d'aller à des manifestations ou quoi que ce soit. Toi, voilà. Par exemple, tu c'est quoi ton cas, ouais, justement? En gros, moi, enfin, je fais partie de ceux que jeudi matin ont tenté de bloquer. Enfin, était là pour bloquer, mais après je me suis rétracté, je l'ai pas fait. Et je pense qu'il a eu des informations, enfin oui, il voulait sanctionner les bloqueurs justement parce qu'il en avait marre que Dorian fasse tout le temps les blocus. Après la pression du rectorat, mais voilà quoi. Enfin, il y a le rectorat derrière. Bah, ça, ouais, c'est sûr. Mais il y a un moment où, depuis le début du mouvement, on est solidaire avec, enfin, solidaire, on est en bon terme avec l'administration. Le fait qu'il y a deux semaines, ils aient ramené la BAC et les RG pour nous empêcher de bloquer, ça frustre un peu les élèves. Puis là, ils mettent des sanctions. Enfin, genre, il y a un moment où il faut arrêter. Et en gros, bref, enfin, je vais expliquer son cas. En gros, il était devant le lycée, tout ça. En gros, le proviseur a interdit aux gens de bloquer. Le blocage, ils ont essayé de bloquer quand même. Puis après, les sanctions, elles sont tombées. Un par un, les élèves, ils se prenaient des exclusions, des je sais pas quoi. Et en gros, lui, c'est... le proviseur, il a prétexté quelque chose de vraiment... Il m'a convoqué, voulait me punir comme les autres. Exclusion pour tentative de blocage. Simplement, je lui ai dit que je n'y étais pas. Et vu qu'il n'avait pas de preuves ou quoi que ce soit pour le faire, il m'a pas puni là-dessus. Par contre, l'après-midi, il a convoqué mes parents, enfin en l'occurrence c'est ma mère qui est venue, et lui a dit que voilà, j'ai posté des trucs sur Facebook, que je suis administrateur d'un groupe qui s'appelle Blocus d'Orient, et que donc s'il se passait quelque chose à la manifestation, c'est moi qui serais responsable, et il irait chez le procureur. Ah oui. Et voilà. Carrément, il t'a menacé d'aller jusqu'au procureur. C'est ça. Et il a menacé deux autres personnes qui avaient mis des commentaires à son égard en fait. Du style néo-nagi, parce que... Néo-nagi au cachot, mais bon, il s'appelle Monsieur Nagi. Voilà, c'est ça. Donc c'est un jeu de mots, quoi. Ouais. Et ben voilà. Il y a quand même 8... Enfin, il y a des élèves qui se sont pris 8 jours d'exclusion. Enfin, il y a un moment où 8 jours d'exclusion, c'est vraiment relativement beaucoup pour seulement ça. Et surtout, il y a un élève qui est en première, donc qui passe le bac. Il s'est pris 8 jours d'exclusion. Bon, les parents de la FCPE, enfin, grâce au mouvement, tout ça, rien que ce rassemblement, en fait, là, ça prouve que c'est un bon moyen de pression. Du coup, ça a mis une pression sur sur l'administration qui a retiré les sanctions. Mais, ouais. Merci. Hein. Merci, je sais pas si vous voulez rajouter un dernier truc et tout. Non. Un message à faire passer et tout ça pour les gens qui vont écouter et tout. Venez jeudi prochain. Enfin, là, ce jeudi, là, jeudi 26 mai. 14h Bastille. 14h Bastille, ça finit à Nation. On soutient le blocage des raffineries, les blocages économiques qui comptent beaucoup plus qu'un simple blocage de lycée. Non, mais surtout faites attention, allez aux manifs, faites-vous les idées de vous-même, parce que entre ce qui est fait pendant les manifs et ce qui est montré à la télé... Ouais, venez voir vous-même. Ouais, venez voir vous-même. Franchement, merci. Il y a des glaces à la cantine. Ok, donc voilà, c'était un reportage qu'on a fait ce matin devant le lycée d'Orient avec les lycéens en lutte contre la loi travail. Pour dire aussi, dans le 92, qu'il y avait une répression encore plus forte, notamment vis-à-vis des lycéens de banlieue, et qu'il y avait un comité de soutien du coup aux lycéens du 92, donc il y en avait plusieurs, notamment le 2 mai, qui ont été convoqués à la sûreté territoriale et placés en garde à vue pour fait de grève, quoi, parce qu'ils sont opposés à la loi travail. Et du coup, on vous invite à être solidaires, à ne pas lâcher les lycéens qui étaient un peu les premiers à se mobiliser contre la loi travail et qui ont besoin de solidarité aujourd'hui et qui continuent la lutte. Voilà, jusqu'à maintenant. Donc on va se faire une petite pause musicale. On va passer un son de Ursa Major qui s'appelle Ne baisse jamais les bras. Donc avec le rappeur Mayday. Ursa Major, c'est un collectif de rappeurs de Saint-Denis qu'on aime bien sur cette émission. Donc voilà, c'est au fond près du radiateur. La radio, c'est FPP 106.3 FM. Gardez l'écoute. Et tout de suite après, on parlera de la mobilisation Air France et notamment du plan de licenciement, de la lutte contre le plan de licenciement et puis de la solidarité avec les camarades qui sont convoqués au TGI, au tribunal de Bobigny par rapport aux histoires de chemise, tout ça là. Et voilà, gardez l'écoute, c'est un peu de musique au fond près du radiateur 106.3 FM. Tu me connais depuis longtemps, tu sais ce que je fais pour vivre. Et comme le chômage m'installe sans dire pardon, leurs stocks d'or sont répartis depuis longtemps. Pour nous c'est toujours le charbon. Port du casque obligatoire parmi la population. Tout dans le rouge quand tu m'écoutes, tu comprendras ma vision. Les caillasses pleuvent à n'importe quelle saison. Dans la révolution passera pas par la télévision. Un seul test antidopage sur leur plateau et c'est la fin d'Oli. Ou de leur cerveau n'ont plus de budget pour réfléchir, c'est la poule. Deux bras en moins, ma reine veut sentir plus belle. À la marabout j'écris, toujours pas le bout du tunnel. Ici les petits frères, les petites sœurs sont tellement vénères. Ils veulent des grosses lasses de pieds violets, attège en l'air. C'est quoi ma réalité? Un pote en cage, un gosse à charge, quelques stages pour trouver du taf, la vingtaine même pas mariée. C'est la merde, pour s'en sortir aucun plan détaillé. Rien ne va plus, les jeux sont faits, tout le monde pense plus qu'à tailler. Ne baisse jamais les bras face à l'adversité. Prends exemple sur Chaka Zulu, Kunta Kinte. Lève ton poing comme Mandela, combat pour ta liberté. Lève ta batte pour tes droits comme Bob Marley l'aurait fait. Ne baisse jamais les bras face à l'adversité. Prends exemple sur Chaka Zulu, Kunta Kinte. Lève ton poing comme Mandela, combat pour ta liberté. Et lève ta batte pour tes droits comme Bob Marley l'aurait fait. C'est la démocratie dehors, pour certains le soleil brille plus. Y'en a qui croient plus en rien, y'en a d'autres qui prient plus. Certains se contentent de peu, ou de presse plus. Quand la ville pleure plus, je la contemple plus, j'écris plus. Vu que les pacifiques sont trop passifs et le marché actif trop raciste, au bord du risque, j'suis Mario stress avec la rue pour maîtresse. Mon coin c'est le niveau moins un, loin des opportunistes et des traîtres. Là où les tours poussent, j'attends pas de coup de pouce. Vu qu'ici c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Depuis que les portes se ferment, aux portefeuilles vides, mes potes partent pour les portes de l'extrême vive. Mes peurs viennent libres dans cette démocratie où y'a autant de bâtards dans les rues que de bâtons dans les roues. Est-ce le poids de la vie active qui laisse la jeunesse à genoux? Mais qu'est-ce qui laisse la jeunesse à genoux? Ne baisse jamais les bras face à l'adversité. Prends exemple sur Chaka Zulu, Kunta Kinte. Lève ton poing comme Mandela, combat pour ta liberté. Lève ta batte pour tes droits comme Bob Marley l'aurait fait. Ne baisse jamais les bras face à l'adversité. Prends exemple sur Chaka Zulu, Kunta Kinte. Lève ton poing comme Mandela, combat pour ta liberté. Et lève ta batte pour tes droits comme Bob Marley l'aurait fait. Ursa Major qui la bise. On te met la vérité en face. Tu peux crier Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday. De Spi Gonzalez et Ville Chiro. Tu peux crier Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Du coup, on est avec Brahim et Mathias. Mathias, je me rappelle plus de ton nom. Des salariés d'Air France qui sont au passage à l'embarquement. Et puis, depuis quelques mois, même quelques années, on va dire, il y a un gros plan de licenciement qui est lancé par Air France. qui est fait avec beaucoup de vis d'ailleurs, des avertissements sur la moindre chose, une épingle mal accrochée ou un oubli de page ou un retard au travail ou une barbe un petit peu trop longue. Et du coup, les deux salariés en question qui sont là s'organisent avec d'autres et on a un rassemblement à Bobigny au TGI, il me semble, je ne sais plus à quelle date. Oui, c'est vendredi, donc vendredi. Le 27 de 9h à 17h, il y a un rassemblement au TGI de Bobigny pour en solidarité aux collègues qui ont été licenciés. Ça sera une journée organisée en plusieurs phases. Il y aura un premier rendez-vous à 9h avec un film diffusé dans la matinée et des interventions ensuite syndicales et citoyennes à 12h30. Donc si vous voulez venir un peu plus tard dans la journée, plutôt qu'à 9h, éviter les bouchons, c'est pas un souci non plus. La journée, globalement, elle se finit à 17h. L'important étant que de manifester sa présence et d'être là et son soutien à ces gens, à ces pauvres types qui sont en justice. Mais du coup, pourquoi ils sont en justice et pourquoi cette journée-là? C'est une bonne question, ça, parce que ça, il faudrait le demander plutôt à Air France. Ils sont en justice, eux, parce qu'ils ils considèrent qu'ils ont été... C'est Air France qui les traîne en justice, là? Ouais. Parce que je suis en train de tout mélanger. Vas-y, Brahim. Non, c'est ça. Air France, d'un côté, a porté plainte contre ces mecs, et de l'autre, les a licenciés. Il y a deux voies. Il y a la procédure judiciaire d'un côté, et sans avoir attendu le résultat, la condamnation juridique de ces mecs, elle a décidé de les licencier. C'est un petit peu improbable comme situation. En principe, tu condamnes un mec. Tu veux licencier un mec, tu le condamnes d'abord et ensuite tu licencies. Eux, ils ont choisi de les condamner eux personnellement, Air France, au sein de leur dans l'entreprise, et d'entamer une autre procédure judiciaire en parallèle et qui nous amène à ce jugement le 27. Mais du coup, juste par rapport aux personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas spécialement suivi ce qui s'est passé à Air France et tout ça, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé depuis octobre, depuis la fameuse chemise en fait? Et qu'est-ce que la fameuse chemise? La chemise, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement de colère, c'est un mouvement de révolte, c'est un mouvement de vie, c'est un mouvement qui existait, qu'on avait perdu de vue, qu'on n'a pas vu venir. C'est qu'il n'y a pas que des mecs résignés, il n'y a pas que des hommes et des femmes résignés. Il y a parfois des gens qui se sentent encore un petit peu vivants et qui ont réagi ce jour-là. Ce jour-là, il s'est passé un mouvement curieux où moi, personnellement, j'ai vu des gens c'est s'extraire d'un mouvement de foule. Et dans cette situation, dans ce contexte, il y avait autant des mains qui se baladaient autour des personnes, pas violemment, c'était pas des coups, j'ai vu aucun coup, moi. Et autant des mains qui se posaient sur ces corps qui essayaient de s'extraire, que ces mêmes personnes qui essayaient de s'extraire, qui essayaient de s'extraire également de leur chemise. Donc en fait, c'est effectivement une chemise déchirée. De toute façon, la symbolique est trop belle. Ça m'embêterait presque que ce soit pas là vraiment des salariés qui l'aient fait. Mais c'est plus compliqué que ça. Qui justement l'a fait? On ne sait pas. Revoyez les chemises, les images. C'est pas évident. Par rapport aux images qu'on a tous plus ou moins vues, il y a les syndicats, il y a une intersyndicale qui a soutenu les salariés dès le début. D'accord. Cette intersyndicale-là, elle a fait un papier qui expliquait clairement que sur les images qu'ils ont eues en leur possession, il n'y avait absolument rien qui permettait de déterminer qui a fait quoi. Le seul salarié où c'est criant, c'est celui, je crois que c'est un syndicaliste défaut d'ailleurs, vous savez, qui met sa main vers le vigile tombe et ça fait tomber Brossetta. Ouais. Donc, le DRH, quoi. Et en fait, Air France l'a licencié pour ce comportement-là et l'inspectrice du travail a demandé à Air France de le réintégrer parce qu'il n'y avait absolument rien qui permettait de le licencier. Donc, si ce mec-là, ils n'ont pas pu le licencier, moi, je pense que sur les autres, il n'y a rien de plus probant que ça, quoi. D'accord. Du coup, cette fameuse journée, tu as le DRH qui est tombé. Ouais. Qui est tombé parce que le vigile est tombé dessus. Ouais. C'est ça. Et le vigile, c'est lui qui, qui, qui allait vers le salarié de FO. Voilà, c'est ce qui a été retenu enfin, par l'inspection FO, du travail. C'est que c'est le ville qui courait vers le mec FO. Le mec FO qui fait un mouvement pour se protéger. Et ce mec FO, précisément, selon l'inspection du travail, il y a plusieurs témoignages qui disent que lui, il a cherché à calmer tout le monde depuis le début. D'accord, du coup, l'inspection du travail demande la réintégration du salarié en question. Voilà. Mais les autres ne sont pas réintégrés. Non, en fait, alors la raison, c'est que lui, c'était un délégué du personnel. Et donc lui, il a une protection syndicale qui fait que l'inspection du travail doit intervenir dans son licenciement. C'est ça la protection syndicale, alors que les autres, ils n'en ont pas. Du coup, elle ne peut pas intervenir sur les autres. Non. Il n'y a pas de légalité qui lui permet d'intervenir par rapport au licenciement des autres. Et il y a 16 personnes quand même. Et du coup, tout se joue ce vendredi Tout se joue à notre niveau. Si on montre pas qu'on est présent, effectivement, on pourra peut-être dire que tout s'est joué ce vendredi. Mais au niveau des étapes judiciaires, je pense pas que tout se joue ce vendredi. J'ai pas le déroulé. Suite à cette action, en fait, il y a 16 salariés au total qui ont été licenciés. Non. 4. 5 dont un qui est protégé et pour lequel il y a eu une étape qui empêche pour le moment Air France de le licencier. Le fameux délégué syndical. Exact, pour lequel Air France va devoir faire un recours directement au ministre du Travail. Pour passer outre la décision de l'inspection du travail. Exact, pour qu'il déjuge son inspecteur, pour que le ministre déjuge son inspecteur. Donc il y a ces 5 personnes qui sont effectivement licenciées. Et 11 autres personnes qui ne sont pas licenciées, qui ont eu des sanctions style mise à pied, qui ont eu globalement une participation au mouvement, qui ont été jugées coupables d'avoir participé au mouvement. Il y a eu, selon Air France, deux pilotes qui ont ouvert les sas d'entrée, qui ont permis au mouvement de foule de rentrer dans le CCE. Où se trouvait la direction d'Air France qui a vite fait de se sauver. Il y a eu en plus de ces pilotes, plein de mecs qui ont, je sais pas ce qu'on leur a reproché parce que j'ai pas vu la lettre de sanction, mais certainement des coups, des coups ou alors d'avoir participé au mouvement qui les a retenus, mais pour lesquels Air France a dû juger que les violences ne valaient pas une sanction de licenciement. Mais ça, apparemment, c'est la partie immergée de l'iceberg, parce que d'après ce que je sais, le peu dont je suis au courant, il y a pas mal de licenciements qui sont en cours chez Air France depuis pas mal d'années. Et on prend des prétextes sur n'importe quelle faute ou n'importe quel retard ou n'importe quelle absence, alors que c'est pas, chez Air France, ce n'était pas traditionnellement l'habitude de faire. Non, et depuis une décennie au moins, il y a une autre pratique qui est mise en place. Oui, tout à fait. On peut parler, nous, sur Orly en particulier, parce que c'est là qu'on est, c'est là qu'on voit, le changement d'attitude de la direction. Il y a aujourd'hui tous les prétextes qui sont utilisables pour licencier des gens sont utilisés. C'est-à-dire que alors qu'avant, on avait des gens qui avaient plus d'une dizaine d'absences par année, qui n'avaient pas de sanctions particulières. On est passé en un an à des sanctions pour 3 absences, 2 absences, 1 absence et des retards. Il y a les badges aéroportuaires qui sont délivrés par le préfet, par la préfecture, qui sont utilisés par Air France pour licencier des gens aujourd'hui, alors qu'on a pourtant gagné un procès en 2012 en cassation, donc le dernier degré. Qui disait qu'Air France n'était pas fondée à licencier pour une perte de badge parce qu'elle a l'air insuffisamment solide pour reclasser les gens dans d'autres services. Ils le font pas, ils licencient. Je précise juste pour ceux qui nous écoutent, le badge c'est un document qui est donné par le préfet aux agents qui travaillent dans un aéroport qui leur permet de traverser les zones non accessibles au public. Voilà, dans un aéroport, on a la zone publique, celle où vous pouvez tous rentrer, jusqu'aux zones d'enregistrement et jusqu'au même au magasin, vu que c'est devenu un centre commercial maintenant, l'aéroport de Paris, que ce soit Orly ou Roissy. Et après ces zones d'enregistrement, on rentre dans les salles d'embarquement et dans les pistes. Et c'est là que, pour passer cette étape, il faut une habilitation. Cette habilitation, c'est ce qu'on appelle le badge rouge qui est délivré par le préfet. Ce même préfet préfet, il n'a aucune justification à donner pour ne pas autoriser, pour ne pas donner cette habilitation. Vas-y Mathias. Hors tribunaux. Hors tribunaux, voilà. C'est-à-dire que quand un agent fait sa demande, le préfet peut lui dire non, stop. Et sans avoir besoin de justifier le stop. Non. Si on veut une justification, il faut qu'on fasse un recours auprès de lui-même. Le premier recours, c'est auprès du préfet, auprès de la personne qui t'a retiré ton badge, c'est auprès de lui que tu fais un recours, c'est un peu curieux. Oui. Le deuxième recours se fait devant le tribunal administratif, puisque c'est un agent de l'État. Donc tribunal administratif, et c'est le tribunal administratif qui décide ensuite si le retrait de badge est valable ou pas. D'accord. Et ensuite, il y a différents recours. Juste pour faire une parenthèse, les aéroports sont considérés comme zones sensibles, limite militaires en fait. Bien sûr. Et du coup, le préfet s'autorise ou n'autorise pas des personnes à pouvoir travailler sur le site. Exactement. Pas sur le site. En zone réservée uniquement. En zone réservée uniquement. Parce que l'aéroport, exactement, la zone sensible, c'est la zone publique. Et la zone publique, elle est peut-être beaucoup plus, elle est peut-être aussi, elle est au moins aussi sensible que la zone réservée. Et là, par contre, le préfet, il a pas il a pas son mot à dire. Ouais, donc si c'est un chauffeur, en fait, il peut rouler sur la route, il va du parking à l'aéroport public. Ouais. Mais par contre, il pourra pas accéder aux pistes et conduire. Exactement. C'est exact. Sauf que il y a des entreprises qui n'ont d'activité que en zone réservée, d'autres qui n'ont d'activité que en zone publique, d'autres qui ont des activités dans les deux zones en même temps, selon que la boîte est grande, selon son activité. Et Air France a des activités sur les deux zones en même temps. Exactement. Ouais, et même en dehors des aéroports. Et même en dehors des Air France a des activités un peu partout. Donc c'est elle a une capacité largement. La rhétorique, c'est de dire à un moment, si Air France peut pas reclasser des gens, personne peut. Enfin, quelle boîte dans les aéroports parisiens est plus importante qu'Air France? Donc, si Air France elle peut pas, personne peut. Ça, c'est un truc de fou. Une boîte comme Air France, impossible de reclasser quelqu'un, c'est hallucinant. D'ailleurs, et nous, on imagine les autres boîtes qui travaillent sur ADP, enfin sur l'aéroport de Paris, et qui peuvent pas, si Air France n'arrive pas, eux-mêmes n'arrivent pas à reclasser. Des gens qui sont embauchés, qu'on n'ont pas. Ils veulent pas, en fait, surtout. Ils veulent pas. Mais on observe en plus, c'est en parallèle avec beaucoup de choses. Il y a une automatisation des guichets, des zones d'enregistrement, des bagages et tout, qui est de plus en plus intense et assez agressif parfois même. Par rapport aux. Ah, c'est agressif, carrément. Pour nous, c'est agressif, mais nous, on le vit dans le même cadre que n'importe quel autre conflit employeur-employé. Par contre, pour les. Clients, pour les passagers qui viennent, eux, en achetant un service, qui ont toujours eu l'habitude d'avoir un environnement propice, même s'il était plein de stress quand on voyage, c'est pas évident, mais d'être pris en charge. Aujourd'hui, quand ils viennent, depuis l'automatisation de ces services, ils arrivent en territoire ennemi, ils arrivent dans une zone de conflit. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est une agression. Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vraiment ça. On les envoie sur des machines sans leur donner aucune explication, en leur disant mais vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui vous aidera, en leur disant pas où. Ils se retrouvent perdus, les gens. Ils se retrouvent. Ouais, clairement. Moi-même j'ai été perdu, donc. Mais je te crois. Il y a des situations qui sont terribles, en fait. Il y a des situations où les gens ils viennent dans une file de je sais pas d'une cinquantaine de passagers. En arrivant, ils nous disent « mais je vais être en retard, mais on va les fermer dans 10 minutes ». On leur dit « non, restez dans cette file, on vous appellera au moment de la fermeture du vol ». Donc déjà, le stress, il monte. Ils voient des vols fermés devant eux, des passagers qui passent devant eux parce que leur vol part avant. En fait, c'est le sous-effectif qui fait ça, clairement. Mais... Et en fin de vol, parfois, ça arrive, on les annule parce qu'on les a oubliés dans la file. Parce qu'il faut savoir. Et c'est terrible. Ouais. Là, il y a de quoi péter un câble. Air France, ils voudraient que ce soit automatisé complètement. Et pour qu'à terme, ils aient un effectif hyper réduit. Sauf qu'ils ont réussi à mettre les. En même temps que l'automatisation, ils ont mis leur effectif hyper réduit qu'il devait y avoir après l'automatisation. Ils ont combiné les deux en même temps. Ils n'ont pas attendu que même ça se passe. Même avant l'automatisation, ils ont réduit. Parce que juste pour préciser, en fait, Air France, à l'image d'autres entreprises, d'autres boîtes, externalise pas mal de ses services, en fait. Au maximum. Et sous-traite. Pas mal de choses qu'elle peut faire, à l'image d'autres. Donc, il y a par exemple des réparations de moteurs ou autres d'avions qui sont faites dans d'autres sites qu'en France, ou au Maroc, ou en Tunisie, ou je ne sais où, en Chine par exemple. Il y a aussi, j'imagine, des agents qui arborent peut-être l'étiquette Air France, mais qui ne sont pas d'Air France directement, mais plutôt d'une boîte de sous-traitance. On a plein de cas, en fait. Il y a Hop Air France, donc ça, c'est une sous-traitance d'un conglomérat, je ne sais pas comment appeler ça, de différentes compagnies. Il y avait Britair, Régional, plein de compagnies régionales comme ça, qui sont mises ensemble et qui font des vols sous pavillon Air France. Donc c'est Hop Air France. et c'est pour un coût moindre que du personnel Air France. Ensuite, il y a Transavia, qui est une filiale à 100% Air France. Donc c'est Air France, mais ça vole sous un autre pavillon, à des conditions de travail bien moindres et à des salaires bien moindres. On a même des pilotes Air France qui sont détachés sur Transavia pour faire voler des vols Transavia. En fait, il y a différentes stratégies qui sont développées pour externaliser. Et ils choisissent après, je pense qu'ils font plusieurs stratégies et qu'ils choisissent ce qui leur convient le mieux. Transavia aujourd'hui, ça perd de l'argent. Ça perd plein d'argent. Simplement, c'est utilisé pour mettre la pression sur les salariés Air France et voir si on ne peut pas aussi, avec les salariés Air France, baisser les coûts largement. Ils utilisent tous les moyens possibles comme ça. Alors ça, je vais vous donner une information, je ne suis pas sûr que c'est une info, mais c'est ce que j'ai entendu quand même. Il y avait des négociations en cours avec EasyJet aussi. C'est-à-dire que... Enfin, ça ne m'étonnerait pas, moi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Ils ont plusieurs solutions, plusieurs cordes à leur arc, et ils choisissent systématiquement celle qui les arrange le mieux, solution de repli, s'il y en a une qui a été bloquée par d'éventuels conflits sociaux, comme ça a été le cas pour Transavia France à l'époque. Du coup, il y a Transavia Hollande qui prend le pas. Il faut savoir que Transavia, c'est 30% d'activité en plus sur 2015. Et donc, tout ce qu'on perd, nous, c'est eux qui le récupèrent. Ouais, clairement. Et c'est la même boîte. Mais du coup, tout ça, c'est aussi en parallèle avec ce qui s'est passé en 2001, les attentats des deux tours jumelles, quoi, du crash. Je reviens par rapport au préfet, surtout, en fait. Ouais. Parce qu'apparemment, il y a une multiplication de refus d'attribution de badges ou d'autorisation de travailler à des gens qui, apparemment ou manifestement, étaient d'origine, on va dire, arabe ou berbère ou musulmane. Ouais, portes une barbe, gare à toi. C'est clairement ça. Ça. On l'a vu en 2001. Je ne sais pas pourquoi on ne s'est pas manifesté. Je me souviens qu'à l'époque, de mémoire, il y avait 300 mecs badgés qui n'avaient plus, plus leur badge. Qui ont dû être licenciés, mais c'était vieux, et puis j'étais aussi beaucoup plus jeune. Après Charlie, il y a eu une vague aussi, et là, il me semble qu'il y a eu une... Ils ont recommencé aussi. Donc, à la fois, c'est ponctuel par rapport à des événements graves, et à la fois, là, pour ce coup-là, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne réagit que maintenant, ça paraît... comme un camion, que ça sert à Air France à déguiser leur PDV, c'est présenté comme un il y a un PDV qui est présenté comme un plan de licenciement, enfin un plan de licenciement volontaire, c'est-à-dire que tu choisis si tu veux partir ou pas, sauf qu'on t'a bien pourri ta vie au travail pour que t'aies bien envie de partir, et en même temps ils utilisent tous les moyens, ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, de la moindre virgule de travers, pour te formaliser un dossier qui permettra de te licencier au final, ou te licencier directement. Et alors le plus improbable, c'est celui-là, c'est le badge. Le badge, c'est un truc qui n'a rien à voir avec Air France. C'est un truc qui est de l'ordre de l'arbitraire, en fait, par le préfet. De l'arbitraire du préfet, ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, je pense que c'est arbitraire, et c'est même plus que ça. Si j'allais au bout de ma pensée, on risque des procès. ouais, mais bon, c'est que ma pensée. Moi, pour qu'on me retire l'idée qu'il n'y a pas une collusion entre la direction d'Air France et le préfet, il va falloir y aller un petit peu. Il va falloir me motiver, parce que j'ai vu trop de choses, il y a trop de bizarreries. C'est évident, Air France. Enfin, c'est évident. Il faut le prouver aussi. Mais Air France veut licencier. Le préfet, sur la base de ce qui vient de se passer, il cible quelques barbus. Il indique... Parce qu'il n'a pas pu... Concrètement, ça ne se passe pas autrement. Et en plus, on appelle ça des raisons de moralité. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'allais m'imaginer au début, c'était parce que, genre, il y avait une pratique du sexe, par exemple, dans le lieu de travail. Ou, non, ça, chez Air France, c'est toléré. Ça n'a jamais été... Enfin, quoi que, maintenant, ça change. Non, mais je veux dire, quand moi, j'entends que c'est pour moralité, j'imagine que c'était ou parce qu'il était défoncé à l'alcool ou à une drogue, ou je ne sais pas trop quoi. En fait, les termes qui sont employés dans une lettre qu'on a eue entre les mains, c'est comportement incompatible avec le travail en aéroport. Alors, voilà, point. Et tu te démerdes avec ça. Il y en a un, c'est moralité. Je ne l'ai pas vu, ouais. Mais du coup, en fait, Air France, c'est la République française en miniature. Parce que vous regroupez à la fois les problèmes d'islamophobie, à la fois les problèmes d'arbitraire préfectoral, et on est en état d'urgence, il y a pas mal d'arbitraire préfectoral qui est appliqué, aussi bien dans des perquisitions administratives que dans des assignations à résidence pour empêcher des gens d'aller manifester ou autre. En même temps, vous connaissez le dégraissage qui est le but d'une entreprise pour avoir une rentabilité à court terme et à moyen terme et à tout prix. Donc délocalisation, externalisation des services, automatisation des services. Et ça, on le retrouve aussi bien dans d'autres grandes entreprises comme Carrefour ou autres. Mais ce qui m'amuse aussi, c'est que ça soit Carrefour, Leclerc ou ce qu'on veut, ou que ça soit Air France. Moi, quand j'étais petit, dans les années 70, en fait, c'était des... Entre guillemets, l'image qui était véhiculée, c'était des entreprises de prestige où si tu travailles dedans, tu touches un bon salaire, tu as un bon avenir, tu as la sécurité de l'emploi et autres. Et en fait, on s'aperçoit que 20 ans après, 25 ans, ben non, ils ont mis la pige à tout le monde. Et que les salariés n'ont jamais vu venir la carotte en fait, qui arrivait avec le bâton. Et que du coup, il serait peut-être temps que certains se réveillent et se disent voilà, que demain, c'est leur tour. Ou que moi, je me sens visé par ça. Ça veut dire moi, je suis d'une génération où on est né avec tout, quoi. On s'est battu pour rien, en vérité. Donc, moi, je me sens visé par ça. C'est, ma génération, elle a l'habitude de tout avoir. Enfin, après, on va tomber dans des lieux communs et tout, mais... Moi, j'en suis convaincu. C'est il y a un moment, on n'a pas expérimenté la lutte pour obtenir ce qu'on mérite, quoi. Ça, c'est un problème. C'est un problème qu'on a avec ma génération, mais la suivante, apparemment, elle est pas si mal que ça, puisque les lycéens, ils foutent le bordel des étudiants aussi. Après, pour le reste, oui, Air France, ça ressemble bien à la France, moi, je trouve. J'ai le sentiment que c'est vraiment bien représentatif. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'est aussi sensible au niveau gouvernemental que la chemise, ça a fait autant de bruit. Ouais. C'est peut-être pour ça, parce qu'entre une chemise déchirée et puis des gens qui menacent de faire sauter des endroits et tout, c'est bizarre qu'on entende beaucoup plus parler de la chemise. À mon avis, c'est qu'à un moment, ça doit représenter plus l'état d'esprit des Français... à un moment donné, et que peut-être que... D'ailleurs, la direction, elle était terrifiée à ce moment-là. Ouais, ouais. Vu qu'elle s'est terrée, ce qui est... Le gouvernement aussi, je pense. Je pense aussi, Valls, il a volé au secours de Brossetta tout de suite. Tout de suite. C'était des voyous. On va punir les voyous qui ont fait ça. Mais du coup, vous organisez comment depuis cet épisode et jusqu'à aujourd'hui? Mis à part la journée où vous faites une projection, l'appel à être au tribunal et autres, qu'est-ce qui s'est passé depuis octobre jusqu'à maintenant? Il y a eu une grosse intersyndicale, comme il n'y a jamais eu, enfin comme je n'ai pas connu moi. Et ça, c'est par contre c'est un élément hyper positif qui est sorti de cette affaire négative, c'est que on a fini par comprendre que la boîte, que les dirigeants cherchaient à nous diviser et que cette division, elle ne servait pas l'employé, elle servait que le dirigeant. Et de cet intersyndical, t'as toutes les populations qui se sont unies. Les volants, les pilotes, les hôtesses de l'air, les mecs au sol, les mécanos. Et ça s'est jamais vu. Les mecs du fret, qui sont les premiers concernés hein, parmi les... mecs licenciés apparemment, la plupart ils viennent de chez eux. C'est un truc qui nous a mis mais du baume au cœur. C'est une super chose. Et là la direction, elle a dû flipper un moment. Elle essaye encore de nous rediviser en nous ressortant à chaque fois. Mais vous rendez compte, les pilotes, ils sont bien. Vous rendez compte, ils veulent pas participer à l'effort de la boîte. On en a rien à foutre. Les pilotes, ils acceptent. Enfin, on en a pas rien à foutre, mais les pilotes, je vais pas leur reprocher de pas avoir réussi à faire ce que moi j'ai pas réussi à faire. C'est-à-dire que moi je ne voulais pas cet accord. Et c'était évident qu'il était bidon. Il nous reproche de quel accord transforme. Transforme et c'est l'accord de 2012. Pour lequel ils viennent d'être condamnés. Ouais. L'accord de 2012. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, pour retracer l'historique un peu, il y a un changement de direction. Donc à l'époque, c'est comment il s'appelait l'ancien ? Gourjon. C'était Gourjon qui passe à De Juniac. Et du moment où on change de direction, ça ne va plus. C'est-à-dire que les comptes sont plus bons, on est dans la merde, il faut faire des efforts. Accord transforme. L'accord transforme, bah, ouais. Il faut savoir ce que c'est quand même. C'est-à-dire qu'on nous retire 3 jours, 3 récup qu'on avait tous les ans. On nous fait travailler 3 jours de plus. On vient 3 jours, c'est non rémunéré. c'est dans la paye globale. On nous fait passer à 35 heures, on était à 32 heures et quelques à l'époque. Il y a plein de petits trucs comme ça. Au final, je crois qu'on est à une quinzaine de jours travaillés en plus sur une année. Et c'est un accord négocié avec les syndicats ou ouais, négocié et signé, ouais, bien sûr. Par 30% d'accord. des syndicats. Par la CFECGC, la CFDT, et je ne sais plus qui le signe, je vais dire une bêtise. Pour la CFDT, bah, c'est je crois que c'est FO. Ouais. C'est FO, ouais. FO, l'une, ça, c'était après les. Ouais, les ils ont dû signer les accords après sur. Et donc voilà, c'est. Et il y a plein de petites choses qui sont rajoutées. Il y a la fin de l'ancienneté Air France, c'est-à-dire qu'on passe sur l'ancienneté de la convention collective. C'est-à-dire 0,3 points d'ancienneté par an, et jusqu'à 15 ans, au-delà de 15 ans, c'est quelque chose comme ça, je me souviens plutôt de tête, mais c'est largement moins intéressant que celle d'Air France. Il faut savoir qu'il y en a un, au moment de la signature des accords, il a perdu 100 euros sur une année. Il devait prendre 100 euros par mois avec l'ancienneté Air France, et il a pris rien du tout. Quoi. Bah, clairement, l'accord n'était pas fait pour qu'on gagne. Il y a ça, il y a l'avancement aussi, parce que sur les avancements, on avait des grilles d'avancement qui étaient plus intéressantes que maintenant, où il y a 5 échelles à la place de 12 ou 15 échelles avant. Du coup, j'imagine qu'en fait, pour faire accepter l'accord, plus ou moins, ou faire passer la pilule, ils ont mis en avant le fait qu'on bah, est dans un monde concurrentiel, qu'il faut faire des efforts. Alors, le truc, c'est ce qui est globalement à chaque fois remis sur la table, c'est qu'on ne te dit pas « Tiens, tu vas gagner », on te dit « Regarde à côté, c'est pire ». On te dit tu gagnes puisque tu perds rien, en fait. Ils ont réussi à nous faire intégrer ce truc de merde. Ouais, c'est que t'es gagnant, regarde, la situation ne change pas pour toi. Ouais, elle se dégrade un petit peu, mais c'est pas grave, t'as encore ton travail. Ils nous tiennent comme ça, et ils tiennent tout le monde comme ça. C'est comme ça que les choses ne bougent pas. On se prend pas la tête à essayer de gratter quelque chose. On se prend la tête à essayer de garder ce qu'on a eu et qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'on continue de perdre régulièrement les choses. Et après, c'est là qu'on peut peut-être le décliner au niveau européen, au niveau international. Ça, c'est mon opinion personnelle, hein. C'est pas l'opinion de Sud. Ouais, okay. Je suis conscient d'être un peu en dissidence par rapport à ça. Mais pour moi, il y a en Europe des ferments de recul du monde syndical, quoi. Et qu'à un moment, oui, l'extrême droite, elle est sur cette position, mais comme dit Emmanuel Todd, c'est pas parce que Hitler dit que l'Angleterre est une île que c'est pas une île. Ouais. Donc, à un moment, je pense que là-dessus, notamment dans notre tradition politique, il y a des remises en question à faire parce qu'il y a des choses qui sont... Bon, bref. Il n'y a pas que l'extrême droite qui est sur ce truc. C'est clair que s'il pleut, que l'extrême droite dit qu'il pleut et que je dis qu'il pleut, je ne sais pas. Voilà, exactement. L'Europe, c'est une grosse merde libérale plutôt qu'autre chose. Et ça va être là, en fait. On se fait bananer, je pense, avec ça, oui. Mais du coup, là, il nous reste 3 minutes, 4 minutes d'antenne où on peut trouver des infos sur ce qui se passe chez vous quelque part, sur un site ou sur une page. Si d'ailleurs rien... Site de la CGT. Sudairien.org, site de la CGT qui doit être peut-être, en principe, il devrait être mieux fourni que le nôtre sur ce sujet, puisqu'ils ont accès à plus d'infos. Les mecs qui se font licencier, ils se sont rapprochés des mecs de la CGT. Donc en principe, c'est. Bon, vous trouverez sur Sudairien et CGT, il faut savoir que c'est super important ce qui se passe, que ce soit à leur niveau et à tous les niveaux. C'est ce qui se passe avec eux, c'est ce qui se passe avec Goodyear. C'est pas que Air France, c'est national et c'est peut-être même européen. Enfin, c'est sûrement même européen. Il faut se manifester, il faut montrer qu'on est là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, excuse-moi, je veux pas tout... Non, il n'y a pas de mal. Super. Et du coup, vendredi, on a rendez-vous au tribunal. 9h, tribunal de Bobigny. Pour la journée avec tout plein de choses. Avec tout plein de choses. Mais comme des lions, je crois. Le film qui va passer. Comme des lions le matin à 10h. Ouais. Mais du coup, en fait, votre histoire là, en fait, tout ce qui se passe en ce moment, c'est en parallèle à la fois avec l'état d'urgence qui a été prononcé en novembre et à la fois avec les luttes sur la loi El Khomri. Vous inscrivez comment à l'intérieur de ce mouvement par rapport à vos turpitudes personnelles et d'entreprise? Vas-y, je t'en prie, Mathias. Pour moi, c'est... Comment j'ai oublié le terme, mais... Pour moi, il faut qu'on... Pour moi, l'objectif, ça doit être la convergence, quoi. Il faut que, justement, tout à l'heure, tu parlais de recréer un monde du travail qui soit solidaire, et je pense que c'est l'occasion de pousser à ça au maximum, quoi. S'il y a, pour moi, enfin, on a perdu pas mal le sens du collectif, et c'est le... Je pense que c'est notre seul moyen de faire avancer dans notre sens, quoi. Ouais, carrément. Donc, je pense aussi, parce que... Les patrons, en fait, ou les riches, les milliardaires, les lobbies, tout ce qu'on veut, quoi. Cette espèce de caste dirigeante qui est là et qui est posée et qui gagne bien sa vie, elle reformule le monde du travail. On n'en a pas conscience. Elle nous a jamais fait une proposition, quoi que ce soit, claire ou pas. Mais par contre, elle le reformule clairement avec l'appui du politique qui qui fait passer des lois à tout va et qui facilite les licenciements, qui sont plus d'ailleurs, qui sont même plus un tribunal n'a même plus à accorder un licenciement ou pas. Tu fais et aussi, comme t'as envie. Et aussi, il faut pas. Enfin, j'ai entendu la dernière fois, je crois que c'était un militant de la CGT qui était interviewé à la télé où on lui disait mais la démocratie quand même. Regardez, vous bloquez, vous occupez, machin. Il faut regarder un peu l'histoire. Moi, je pense, en tout cas, c'est un peu prétentieux, mais on n'a jamais rien obtenu autrement que par la rue et le blocage. C'est notre façon de faire. On n'a jamais fait autrement. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est même plus que ça, parce qu'on a une société qui est assez violente quand même. On a des gens qu'on voit tous les jours dormir. Il suffit de prendre le RER à Nation ou quoi, ou à Châtelet ou à n'importe où, quoi. On voit des élèves en train de dormir. Quand tu fréquentes des centres d'accueil du jour et tu vois la tonne de gens qu'il y a là-bas, tu t'en rends compte. Quand tu es dans le milieu salarial, des fois, tu as des collègues, en fait, ils pioncent dans la voiture ou sur le canapé d'un copain ou d'une copine ou ce genre de truc, quoi. Concrètement, c'est une société qui est extrêmement violente, qui casse des gens, qui les abîme et qui les tue à petit feu. Donc, carrément. Le mouvement, il ne doit pas être que le vendredi 27. Il faut s'intéresser à toutes les luttes. Toutes les luttes sont... On est pour cette convergence, mais elle existe, la convergence, puisqu'on est, on est tous liés, on est tous dans la même condition. On a tous les mêmes galères, en vrai, à plus ou moins grande échelle. Mais c'est vrai que nous, en étant salariés, encore plus d'Air France, on est peut-être un peu moins, pour le moment... concernés par ces vraies galères que les mecs ils ont à dormir dehors alors qu'ils travaillent, à chercher une baraque, à subvenir à leurs besoins. C'est évident qu'il y en a qui tirent pas qui joignent pas les deux bouts et qui se retrouvent avec rien dans leur assiette. C'est aussi faut se dire que c'est ce qui nous attend, nous. Il n'y a aucune raison que nous, en étant employés d'une grosse boîte, on soit mis à l'écart. Et puis ça va de la même logique qu'on a à notre niveau d'Air France, de la division. On nous divise, on nous fait croire qu'on est des nantis pour laisser les autres en galère. Alors qu'en fait, l'autre qui est en galère, il est juste plus en galère que nous, mais on est dans la même situation, on est le même bloc. C'est avec ces gens-là qu'il faut faire le lien. Non, mais concrètement, ouais, en plus, Air France, ça transparaît clairement que c'est une lutte de, entre guillemets, si j'utilise un terme à l'ancienne, une lutte de classe, quoi. En fait, les prolétaires, les pauvres contre les... Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé contre les riches. Ils peuvent utiliser tous les outils qu'ils veulent. Le préfet, pour les attributions de base, utilise un outil islamophobe, on va dire, puisqu'il donne des refus par rapport à... Ouais, islamophobe, pas que... On n'a pas assez parlé de ça. Il y a des mecs... c'est juste un outil. Pour l'instant, ce qui sert, c'est la barbe. Mais ça pointe déjà son nez. Il y a les mecs qui ont des casiers, qui ont eu une bagarre, qui ont des trucs à l'extérieur d'Air France, à qui on ne renouvelle pas leur badge. Ça a lieu, c'est en cours. Ouais, ouais. Donc, genre, t'as 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu t'embrouilles avec un mec en voiture, t'as donné exactement sa voiture... C'est ça. Mais ça arrive, là. C'est con. C'est, on ne suppose pas, là. Il y a un mec, ici, en ce moment, Aurélie, au moment de renouvellement, c'est pire que ça. Il a proposé ses services à une autre plateforme qui demande, elle, l'habilitation aéroportuaire aussi, qui lui a refusé. Et sa plateforme, où il travaille habituellement, suite à ce refus, lui a retiré son habilitation. Alors que lui, il n'avait rien demandé, à la limite. Il aurait pu continuer à travailler sur Aurélie, tout allait bien. On lui refuse. Pourquoi ? Parce qu'il a eu une bagarre il y a deux piges. Sur la route, rien à voir avec la boîte. Voilà. Donc, et c'est là que tu... c'est pas que là, mais c'est là que tu vois qu'ils sont dans un... Ils se servent d'un outil qui n'a rien à voir avec un... Parce que le mec, en plus, il le licencie, il n'a même pas besoin de son badge. Il pourrait travailler sur un autre site où il n'y a pas de badge. Et c'est ce qu'ils nous font aussi. C'est que des prétextes. Du coup, je suis parti, je sais même plus sur quoi je suis parti, ce que tu faisais. Mais du coup, là, en fait, il nous reste 30 secondes ou une minute avant la prochaine émission. Mais vous avez un mot de la fin à rajouter ? Je suis désolé d'avoir coupé comme ça et tout, mais vous avez envie de dire quelque chose ou... Vendredi 27, venez, s'il vous plaît. Bobigny, 9h. Parfait. Le 26, également, dans la rue, à Nation, au départ, de Nation, je crois, à 14h, pour la loi El Khomri. Le 26 juin, ouais. Le 26 mai, plutôt. Autant pour moi. Du coup, c'est bon, hein. Tu peux lancer une pause musicale si t'as envie ou quoi, mais... Ok, c'est juste pour dire aussi, par rapport aux lycéens d'Orient, du lycée d'Orient, donc, qui sont mobilisés contre la loi El Khomri aussi, vous pouvez les suivre, il y a une page Facebook, c'est Blocus d'Orient. Voilà, je sais pas si du coup, ouais, voilà, donc on a dit la manif jeudi, le rassemblement pour Air France vendredi, Bah voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Nous, c'est l'émission Au fond près du radiateur. Ça se passe tous les mardis en direct de 19h à 20h30 sur l'antenne de FPP 106.3 FM, fréquence Paris Pluriel, donc radio libre, bête de radio, écoutez FPP. Il y a plein d'émissions vraiment très bien que par des bénévoles et tout ça. Donc radio associative, voilà, qui est précieuse et tout. Faites tourner, faites connaître FPP, faites connaître Au fond près du radiateur. On a une page Facebook aussi, si vous voulez partager les infos et tout. Tout de suite après nous, ça sera l'émission Dooboot. Voilà, sur la diaspora noire dans le monde, les luttes, la culture, tout ça. Et tout de suite après, on va faire tout de suite maintenant, on va faire une petite pause musicale. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur notre site. Et puis sinon, on se retrouve mardi prochain. Force et courage. Seule la lutte paix, on va gagner. Et voilà, à bientôt. Salut. Écoute. La voix du peuple. Je porte en moi la voix du peuple. Dressé en contrefort. Atmosphère de combat, les corps résonnent comme un renfort. Prise de contact, je défends les faibles pour les rendre forts. J'éduque la plèbe, car le savoir est un rempart. Pour la ruche pleine, intransigeant pour mon confort. Je défends l'idée ancienne que le résultat fait pas l'effort. En désaccord perpétuel sur une mission personnelle. J'informe les masses dans un message rationnel. Femmes engagées, enragées dans un système infligé. Peuple dirigé par un pouvoir qui nous négligeait. Dans ma voix, la force est pure pour traverser le silence. La voix de la minorité, de nos cœurs s'élance. Comme la tempête se déchaîne contre la mer inlassablement. La douleur du peuple se brise contre le plaisir des tyrans. Je sais que nos paroles dérangent, les vérités ne sont pas bonnes à dire. Sous prétexte qu'ils se vengent, ils souhaitent censurer nos dires. Pas besoin d'expliquer, ça devient psyché. Niquer, je viens kicker, quel bon je que le peuple ça fait tiquer. Triquer, pour sortir, nos vies est triquée. Tu peux pas le quitter, non le malheur ne cesse de traquer. De faire craquer, la vie veut te maquer, t'escroquer. Ok, pas toi, ou tu te fais croquer. Pas à toquer, tu penses qu'on blesse. Je vois les jeunes s'arnaquer dans le bis de que flot. Serre les poings en l'air, la voix du peuple est claire. La voix du peuple s'exprime. Serre les poings en l'air, dis-toi, la voix du peuple est claire. La voix du peuple s'exprime. J'entends des cris en bas que je décris tout haut. Et si ça crie d'en bas, l'État fera pas de cadeau. C'est toujours ceux d'en haut qui parlent pour ceux d'en bas. Dans mon son coule le sang de celui.